chez Dolbeauto, venez voir la toute nouvelle Chevrolet Cruze 2016, complètement redessinée. Avec une efficacité énergétique de 5,6 litres au 100 km, à partir de seulement 17 845 $. La Chevrolet Cruze 2016 vous apportera des satisfactions au quotidien. Toute notre équipe est fière de féliciter Shane Gauthier, qui a été repêché par les Blue Bombers de Winnipeg. Dolbeauto, au 1770 Walbrook, Dolbeau-Mistassini, au 418-276-0580. Golf avec la chronique du club de golf de Chibougamau avec notre ami Michel Lallemand. Salut Michel! Malgré la mauvaise température, je ne sais pas s'il fait beau à Chibougamau, mais ici c'est, il pleut. Il y a le tournoi amérindien là, qui a lieu au profit des réserves. Ça a lieu aujourd'hui à Chibougamau. Oui, mais aujourd'hui chez nous la température un beau soleil, il doit faire à peu près une vingtaine de degrés. Okay. 150 à 180 participants aujourd'hui pour la communauté créée de Mistassini au profit de la Renaissance. Une belle journée de golf, ça va très bien, les gens sont bien heureux des conditions du terrain. Okay. Et en profit. C'est assez surprenant pareil, ce que tu me dis là, parce que je suis allé à Québec mardi, il faisait super beau, on arrive ici, il pleut, là tu me dis la même affaire ici, est-ce qu'on a une malédiction? Oui, mais il ne faut pas t'oublier que cette semaine, on était pratiquement 2 jours fermés complètement. Ouais. On a eu beaucoup de pluie aussi. Mm. Pas les gros oranges que vous avez eus au lac, mais beaucoup de pluie. Assez pour te dire que 2 jours, pas eu personne qui a joué, les conditions étaient exécrables. Okay. Autre chose à ajouter, peut-être aussi, demain, il y a un gros tournoi aussi. Demain, disons que c'est plus petit que vous, là, c'est qu'on appelle les vendredis en folie. C'est le vendredi soir, possiblement une quarantaine de participants dans des formats amicaux. Okay. Et samedi matin, la deuxième Coupe des champions, on devrait avoir là, une trentaine de participants dans 3 classes. OK. Donc, évidemment, 3 passes. C'est pas mal le même que l'année passée, hein, le nombre de participants. C'est sensiblement, oui, la même chose. OK. Hey, parle-moi maintenant de Pierre-Alexandre Bédard qui était quoi, à Ottawa, puis il était déçu, je pense. J'ai fait une entrevue pour demain matin et il se disait déçu de sa performance. Ouais, c'est sûr qu'il aurait espéré avoir une meilleure performance, mais c'est quand même bien. Il a fini 7e à égalité. Fait que donc, au niveau de l'ordre du mérite, il va quand même cumuler des points. Puis là, présentement, il est à l'entraînement parce que demain et samedi, c'est le Duc de Ken à Québec. Le deuxième tournoi là, des trois pour déterminer l'ordre du mérite des trois qui vont représenter le Québec au championnat majeur. On va surveiller ça de très, très près. Donc, on se reparle bientôt, Michel. C'est tout, on se reparle la semaine prochaine. Donc voilà, c'était le commentaire de notre ami Michel Lallemand.